invités à tous. J'allais demander à quelqu'un d'aider Franck, un anglophone, peut se mettre à côté de Franck pour l'aider. Fidèle. Franck, please, can you... Okay, there are... English speak, speaking people. So one of them will help you. Right? Okay, ça peut aller? Okay, I think that you are not lost. There are a lot of English speaking guys here. Even German speaking ladies and guys, yeah? Okay. C'est encore une grâce parce que Kassa a déjà dit c'est le dernier dimanche de 2018, c'est ça? Bien. Comme c'est le dernier dimanche et que demain nous allons nous retrouver pour réellement témoigner, voilà ce que je demande. On va rendre ce dimanche effectivement différent des autres. Le psaume 103, il est dit de n'oublier aucun de ses bienfaits, n'est-ce pas? Ok. Je ne suis pas sûr que c'est pendant la veillée là qu'on aura le temps pour dire tous les bienfaits que Dieu a fait pour nous, n'est-ce pas? Donc ce soir, au lieu de venir, je vais demander à chacun de prendre ce temps qu'on allait faire en venant à la prière, de bloquer ce temps-là. C'est 19h à 21h, non? C'est ça? D'aller devant Dieu. De le remercier chez lui là-bas. Si vous êtes en groupe, réunissez-vous. Partagez ce que Dieu a fait pour vous. N'oubliez pas ses bienfaits. Remerciez-le pour tout ce qu'il a fait pour vous pendant cette année 2018. Je crois qu'une heure, vous ne pourrez pas tout dire, n'est-ce pas? Une manière de reconnaître ce que Dieu a fait pour vous. Et demain, quand nous allons nous retrouver, je sais que c'est peut-être les plus gros grains que vous allez peut-être présenter, n'est-ce pas? Sinon, tous les détails, ce n'est pas sûr. Donc, ce soir, au lieu de venir, vous restez chez vous et vous prenez cette heure-là, de 19h à 20h, et vous prenez du temps devant Dieu. Amen. On verra cela. Ce matin, je voudrais effectivement revenir sur tout ce que nous avons dû avoir avec le Seigneur. Le chant, le deuxième chant en Dula que Kassa a donné, parlant de comment le chrétien devrait faire, c'est-à-dire persévérer. Je voudrais parler aujourd'hui de la persévérance. Et le thème de mon partage, c'est « Par la persévérance, Dieu peut établir ce qui était perdu. » Par la persévérance, Dieu peut établir ce qui était perdu. Je crois que notre marche avec le Seigneur exige effectivement de la persévérance. Vous avez déjà vu les gens qui font le marathon, les 10 000 mètres. Même si vous n'avez pas couru 10 000 mètres vous-même, peut-être à la télé, quelquefois, vous avez vu ces gens-là. Je crois que les Kenyans et les Éthiopiens, un certain nombre de peuples, eux, ils sont vraiment assez durs, ils sont assez forts et ils excellent dans ce genre de course. Quand vous les regardez, qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que les gens commencent comme si c'est un 100 mètres? C'est comme ça, Olivier? Les gars commencent un 10 000 mètres comme un 100 mètres? Non. Ils ne commencent pas une course de marathon comme si c'était un 100 mètres. Pour certains, même, vous les voyez derrière comme s'ils sont en train de se chauffer. C'est comme des moteurs diesel. Ça dit que ça prend de la force au fur et à mesure que ça se chauffe, c'est ça? Ok. Et doucement, vous voyez le monsieur qui était derrière, il commence à s'approcher et puis... Et ils vont à un rythme donné. Et pour certains, on se demande s'ils ont vraiment un cœur humain. Si le cœur qui est là, là est le vrai. Parce que au moment où on voit que les autres commencent à sentir l'essoufflement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que lui commence à accélérer. Vous avez déjà couru, vous savez ce que ça veut dire, s'essouffler. Et à un certain moment, tout le corps est bien fatigué, n'est-ce pas? Les pieds qui se lèvent, les bras qui bougent, le cœur lui-même qui bat, tout le corps est En ce moment, vous avez encore soif. C'est pas cela? C'est la raison pour laquelle, à la fin, vous voyez, certains tombent sur la ligne d'arrivée. On attrape certains, on essaie de les garder pour qu'ils ne s'écroulent pas. C'est ça? Parce que c'est éprouvant. Et pour gagner un marathon, il faut de la persévérance. Et lorsqu'on parle de persévérance, ça veut dire qu'il y a des difficultés, il y a des défis, il y a des obstacles à surmonter, n'est-ce pas? C'est cela? J'ai cherché la définition de persévérer, qui veut dire demeurer ferme dans une action ou quelque chose dont, qu'on a résolu de faire, et même persister, qui veut dire quoi? Insister dessus plusieurs fois, c'est ça? Il y a des obstacles quand on parle de persévérance. Et je voudrais que nous lisions un texte que nous avons déjà lu ici plusieurs fois, et nous allons voir, tout le monde va participer, parce que c'est le dernier dimanche, n'est-ce pas? On ne va pas laisser le pasteur seul va parler, tout le monde va participer. Et on va faire une compétition, on s'entend. Voilà un groupe, voilà un autre groupe. Alors, nous allons aller à travers ce texte-là, portion par portion, et vous allez lire dans votre groupe. Quelqu'un va lire la partie en question, et puis vous allez penser à tout ce qui est comme signe de persévérance dedans, et aussi penser aux obstacles qui sont dedans. Et les autres vont vous écouter. S'ils sont satisfaits, on continue. S'ils ont des choses à ajouter, ils vont ajouter. Nous allons participer aujourd'hui. Notre texte, nous l'avons déjà lu plusieurs fois. On l'a déjà lu au moins, je me rappelle, au moins une fois. 2 Rois 4. Si je dis ça, quelqu'un va se rappeler de quoi il s'agit. 2 Rois 4. À partir du verset 8. Nous allons lire du verset 8 au verset 37. C'est long comme passage, non? Hein? C'est assez long comme passage. 2 Rois 4, verset 8 à 37. Je l'ai découpé et nous allons aller par portion. Donc, le premier groupe, c'est ceux de ma droite. Quelqu'un dans ce groupe-là va lire des versets 8 à 11. Vous avez entendu? Quelqu'un d'ici lit versets 8 à 11. Vous avez vos Bibles, non? Ok. Et vous qui êtes à ma gauche, vous suivez bien la lecture, parce que c'est vous qui allez dire quelque chose. Vous dites, dans cette portion-là, est-ce qu'il y a des signes ou quelque chose qui montre une certaine persévérance? Si oui, est-ce qu'il y avait des obstacles? Parce que si on dit persévérer, ça veut dire qu'il faut aller au-delà des obstacles. Et ensuite, la prochaine portion, vous allez lire et aussi vont répondre. Donc, trouvez quelqu'un ici, à ma droite, précisez votre version. Le pasteur ne sera pas lié à la version française courant aujourd'hui. Précisez votre version. Louis second. Donc vous lisez verset 8 à 11. Ok, vous écoutez. Vous suivez. Tu vas dire à Azaël, prends avec toi un présent. S'il te plaît. J'ai dit 2 Rois 4. 2 Rois 4. Ah, d'accord, donc tu es loin. Bon. Il n'y a pas de problème, qu'il lise. 2 Rois 4, 8 à 11. Un jour, Élisée passa par Soudan. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il se passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours sur nous est un saint homme. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, une chaise et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Merci. Tout le monde a suivi la lecture? Ok. À vous, à ma gauche. Est-ce que vous voyez dans ce texte quelque chose qui montre une certaine persévérance? Est-ce qu'il y en a? Oui? Le fait qu'Élie passe chaque fois Élisée passe chaque fois sur cette table. Ok, ensuite, c'est tout? Vous ajoutez autre chose? Oui, Lasna? Vous écoutez, hein? Vous suivez aussi. Oui? Elle voudrait qu'elle s'occupe d'Élisée. Mm-hmm. Parce qu'on voit que ici, c'est écrit qu'elle est prestable d'accepter de manger. Ok. Donc, ça veut dire que peut-être que de temps en temps, il refusait, mais comme elle voulait vraiment s'occuper de lui, mm-hmm. elle le prestable et elle est allée au-delà de la nourriture. Mm-hmm. Penser à construire quelque chose pour lui. Oui. Pour que quand il va passer désormais, mm-hmm. qu'il puisse être à l'aise. Qu'il puisse être à l'aise. Voilà, moi, je vois là, c'est persévérer en s'occupant constamment de lui. S'occuper de lui constamment. Oui, c'est tout. Et l'obstacle, c'est qu'il fallait réunir, trouver tout le temps quelque chose. Parce que si on veut tout le temps donner quelque chose à manger à quelqu'un, mm-hmm. ça veut dire que. À tout moment, il faut s'organiser pour qu'il y ait vraiment à manger. Et aussi pour la construction, mm-hmm. il faut mobiliser les moyens pour pouvoir mettre tout ça en place. Ok, donc voilà des obstacles, des moyens financiers et autres pour avoir le matériel, mais aussi même pour la nourriture. Les mamans sont là, quand on reçoit un ordre de marque, qu'est-ce qu'on fait? Néma, c'est la popote quotidienne qu'on fait? Non, on améliore. Et puis, ça veut dire qu'on va chercher ce qui est bien. Et puis, ce n'est même pas la nourriture seulement. Il y a quoi d'autre qu'on fait? Le contenant. Hein? Les plats qu'on a rangés dans le placard qui ne sortent pas là. Ce jour-là, on sort ces plats-là. N'est-ce pas? Ok. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voyez? Donc, on a des obstacles. On a déjà parlé des obstacles. On a parlé aussi du fait que, pour la persévérance, elle a insisté. Et ensuite, et on voit, elle a continuer. Et même elle a demandé à son mari. Je crois que dans notre contexte, on ne décide pas quelque chose comme ça et puis il faut le convaincre. Ou bien, les maris là, vous êtes facile à convaincre? Lasna est honnête. Lasna a dit pas du tout. Bon, Bruce a dit pas du tout. Vous voyez, c'est pas facile pour les maris. Hein? On vient, on pose et puis il dit, est-ce que tu as réfléchi? Ou bien, première vue, il dit non, je ne suis pas d'accord. Ça veut dire que tu pars, tu reviens, tu discutes encore, tu discutes pour le convaincre, c'est ça? Mais ici, on nous dit, elle n'a pas fait d'elle-même, elle a demandé à son mari, faisons ça, puisque ça demandait des investissements. Ça va? On a vu les aspects de persévérance, on a vu les obstacles. Ok, bien, quelqu'un de chez vous lit du verset 12 au verset 16. Précise sa version et puis lit. Vous écoutez à ma droite, c'est vous qui allez répondre. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout ce bouleversement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi ou au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et elle dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ma servante. Amen. Bien, voilà le petit, les quelques versets. Dans ces versets, qu'est-ce que vous voyez comme signe d'empressement ou de persévérance et quel obstacle voyez-vous dedans? Ceux de ma droite. C'est à vous, c'est votre tour. Il n'y a aucun signe? Il n'y en a pas. Oui, Moumouni? Dans la parole de l'Église, elle s'est donnée beaucoup de peine pour eux. Je pense que pour être persévérant, il faut vraiment se donner de la peine. Et si ça ne va pas, parce qu'on a t'ai donné beaucoup de peine pour nous. Mm-hmm. Donc c'est pour que, comme on l'a dit précédemment, chaque fois qu'ils sont là-bas, elles font de son mieux pour les mettre à l'aise pendant les séjours. Ok. Ça, c'est un signe de persévérance. D'accord. Uh-huh. Oui, Maria. Ok, donc une envie de faire quelque chose pour elle. Oui. La dame est partie, il y a un obstacle. L'obstacle, c'est la vieillesse. Elle a pas de fils. Il dit que je promets que l'année prochaine, elle pourrait avoir un enfant. Elle dit que c'est peut-être impossible. C'est pour elle dire je ne trompe pas, parce que plus elle dit que son mari est déjà vieux. Ok, donc c'est son mari qui est vieux, c'est ça? On ne dit pas si la dame est vieille ou pas, mais on dit. Elle ne croit plus. Oh. Elle sait que pour elle, c'est parce que voilà, les autres sont là. Ok. Mm-hmm. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui? Oui, je crois qu'il y a autre chose. Oui. En tout cas, Élisée, il n'a pas parlé directement à la femme. Mm-hmm. Il a passé par le serviteur. Oui. Donc ça me donne l'impression que ou bien il y a un problème de langage, de langue, oui. Qui ne parle pas la même langue de la femme, ou bien qu'il y a des traditions qui empêchent qu'il puisse parler directement. Donc en tout cas, au lieu de laisser ça, de dire que c'est trop difficile de communiquer avec elle, il fait l'effort de chercher ou bien un traducteur ou bien quelqu'un qui peut vraiment passer le message et communiquer avec la femme. Ok. Oui. Je pense que Élisée aussi ne semblait pas être totalement content de la situation de la famille. C'est pourquoi, puisque ce n'est pas la femme qui est venue demander, c'est lui qui décide de demander qu'est-ce qu'on peut faire pour elle. Alors, je pense que ça peut être un obstacle. Souvent, on peut manquer, on peut être dans toutes les conditions réunies, mais on sent qu'on n'a pas totalement la joie parce qu'on voit quelque chose vraiment. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ok. Même mais remarquez une chose, c'est que Élisée a cherché tout ce qui pouvait être fait pour la dame. Tout ce qu'il a proposé, ça ne marche pas, n'est-ce pas? S'il n'était pas persévérant, il s'arrêtait là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à son serviteur. Son serviteur a complété, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Lui, il était à bout de ressources. Mais comme il tenait coûte que coûte à faire quelque chose, vous voyez, son serviteur fait le relais. Et qu'est-ce que lui il dit? Parce qu'il y a des choses que Élisée n'avait pas remarquées. Mais le serviteur a remarqué qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et ce quelque chose, il n'a pas de... Et même, vous voyez, c'est dans la culture juive. Si vous n'avez pas d'héritier, ça veut dire quoi? Ce n'est pas la culture juive seulement, hein? Même chez nous, en Afrique. S'il n'y a pas d'enfant, on se dit, mais c'est foutu. Il n'y a pas d'héritier. Qui va perpétuer le nom? Et vous voyez, il n'a pas d'enfant. Et immédiatement, qu'est-ce que Élisée voit comme solution? Il va promettre un enfant, mais pas n'importe qui, un fils complet. Ça voudrait dire, l'héritier viendra. C'est pas ça? Ce n'est pas que les filles ne comptent pas, mais dans leur cas d'espèce, s'il y a un fils, c'est réglé. Voilà. Donc, la dame avait suffisamment... Ils étaient assez dans l'opulence. Bon, elle était chez elle. Tout ce qui a été proposé, vraiment, elle n'était pas dans ce besoin, mais voilà un besoin. La dame a posé une question. Moi, je vous pose la question. Est-ce que c'était un doute sur ce que Élisée disait? Ou bien... Vous pensez à autre chose. La dame a dit, homme de Dieu, ne me trompe pas. C'est ça? Parce qu'elle voyait les différents obstacles, c'est ça? Son mari est vieux. Et puis probablement, elle savait qu'elle était stérile. C'est ça, non? Quand une femme est stérile, et puis vous lui dites, un enfant viendra, il faut la convaincre avec les faits. Ou bien... Donc, il y avait déjà ce problème-là. C'est pourquoi elle a dit, parce que pour elle, on peut dire que c'est quoi? C'est vraiment beau pour être vrai. Dans le langage moderne, on va dire ça. C'est trop beau pour être vrai. Parce qu'elle savait qu'il n'y avait pas de possibilité d'avoir un enfant. Mais on lui dit, il y aura un fils. On dit avec précision. L'année prochaine, à cette date, tu embrasseras un fils. Ok. Ça va? On se comprend? On va avec le passage prochain. Donc, c'est vous qui lisez le prochain passage, du verset 17 à la première partie du verset 25. Verset 25a. 17 à 25a, vous allez lire. Oui. Vous écoutez, s'il vous plaît. Mm-hmm. Vas-y. Verset 17. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui, la première partie. Okay. Elle partit donc en direction du mont Carmel pour aller trouver Élisée. Ok, merci. Voilà, c'est fini. Merci. Je précise que entre Sunem et le lieu où était le prophète Élisée, ça fait quelque chose de 40 km. Comme précision. Voilà. Voilà la précision. D'où elle devait quitter et aller chez le prophète, ça fait 40 km. Bon, avec les gens qui sont habitués au vélo, aux motos et autres, si on demande à Rosalie de faire 40 km à pied, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va dire. Bien, je vous écoute. Quels sont, dans cette petite, elle est un peu grande comme portion, dans cette portion-là, qu'est-ce que vous voyez comme signe de persévérance et puis les obstacles? Oui, Kassa. Il faut donner le signe d'abord. Comme signe de persévérance, cette dame qui a eu la confiance, qui a eu son enfant, il y a des espoirs encore pour son enfant qui est déjà mort. Mm-hmm. Voilà. Et comme pour ça, il y a cet enfant qui est mort. Posé. Voilà, qui est là. Ok. Mm-hmm. Oui. Autre chose, il y en a beaucoup, hein, ici, là. Les autres, là, vont vous dire. Bon, ça, c'est la persévérance. D'accord. Ensuite. Oui, la suite. Au début, on a vu qu'elle elle ne croyait pas totalement à ce qu'elle disait, le fait qu'elle allait avoir un enfant. Oui. Quel signe vous voyez dans cette persévérance-là? Donc, moi, je vois, en fait, comme persévérance, elle a persévéré dans la foi. Comme action, mais quelle est l'action? L'action, c'est d'insister, d'aller voir le prophète. Mm-hmm. Voilà. Mais avant le prophète, oui, Chantal? Voilà, ça c'est un aspect. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a envoyé quelqu'un? Oui. Elle est partie au champ. Et puis, elle a demandé à son mari de lui donner Je lui ai envoyé un serviteur et une adresse. Maintenant, quand son mari lui a demandé où est Patel, elle a dit que c'est le prophète Élie. Son mari a insisté en demandant. Ce n'est pas un jour de sabbat, ce n'est pas un jour de fête, de la pleine nuit. Et pourquoi elle veut partir, elle dit de ne pas s'inquiéter. Ça, c'est déjà un obstacle pour nous. Comment elle va faire pour dire à son mari que l'enfant est mort? Point. Elle n'a pas dit à son mari que l'enfant est mort. Bon. Et puis, vous voyez, dans le contexte, il faut comprendre que le prophète se bougeait aussi de chez lui. Le prophète allait de région en région. Mais il y avait des moments où on pouvait le trouver chez lui. Et c'était les moments de la lune là, hein, la nouvelle lune, et aussi le sabbat. Parce que vous savez que le jour du sabbat, tout le monde reste, on ne bouge pas, on compte même les pas. On ne doit pas dépasser un certain nombre de pas. Il y a des activités qu'on ne doit pas faire. Donc, c'est pendant ces occasions qu'on peut trouver le prophète chez lui à la maison. Donc, pour le mari, ça l'étonne. Il a regardé, ce n'est pas un jour de sabbat parce qu'ils sont au champ. C'est ça? Ce n'est pas une nouvelle lune aussi. Donc, ce sont les deux occasions où on peut facilement trouver le prophète chez lui. Et pour lui, mais en dehors de ces occasions-là, ce n'est pas sûr qu'on le trouve. Vous voyez, ça fait encore un signe de persévérance de la dame. En dehors du moment où on pouvait le trouver facilement chez lui, elle va quand même avec une certaine assurance. Et vous voyez, sur toute la ligne, une dame d'habitude devant un enfant mort, c'est quoi on voit? Des lamentations, c'est ça non? Des larmes qui se versent. Et puis, elle allait même envoyer quelqu'un aller dire à son mari de venir à la maison. Ça, c'est la loi, c'est la règle là. Ou bien, Eva, c'est pas ça? Parce qu'elle ne peut pas aller. Mais vous voyez, elle est partie. Elle a mis tous ces aspects-là de côté. On ne peut même pas savoir qu'il y a eu un enfant mort qu'elle a pris monter poser. Et vous voyez, et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le chemin pour aller rencontrer, pour aller chez le prophète. Si on s'arrêtait simplement là, j'allais vous poser une simple question. Regardez, rien qu'à partir de là, qu'est-ce que nous remarquons? Ces personnages qui sont Élisée d'abord, son serviteur Géasi et cette femme tsunamite, nous voyons que chacun d'eux, d'une façon ou d'une autre, a montré de la persévérance. Et même par la suite, je vais m'arrêter là, on ne peut pas continuer. Par la suite, si vous lisez, vous allez voir qu'il y a eu même des signes de persévérance collective. Ça ne s'est pas limité à une seule personne. Quelqu'un fait quelque chose, un autre fait le relais, jusqu'à ce que, à la fin, je crois que si on lit, je lirai simplement les deux derniers versets de la fin, c'est-à-dire le verset 36 et 37, voilà ce qui est écrit, vous lirez la suite pour compléter. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette tsunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Verset 37, elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre et elle prit son fils et sortit. Amen. Amen. Lisez la suite et continuez cet exercice seul pour comprendre que c'est à cause de la persévérance de chacun d'eux que ce résultat, on l'a atteint. Une femme sans enfant, on lui promet un enfant, elle a l'enfant, ensuite l'enfant meurt brutalement, on n'a pas dit que c'est une longue maladie, il a crié, ma tête, et puis on l'a amené à sa maman, c'est fini. C'est gâté. Ou bien, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Rien d'autre. Mais, voyez, à cause de la persévérance, et derrière cette persévérance, il y a cette foi, cette dame à qui Élisée a dit, tu auras un fils, elle a eu ce fils, elle se dit, c'est par son intermédiaire que je l'ai eu, si ça ne va pas, qu'est-ce que je dois faire pour le rejoindre? Et si vous lisez la suite du texte, vous voyez, Élisée a envoyé son serviteur avec son bâton pour qu'il aille toucher à cet enfant. Pour que l'enfant se lève, la dame a dit quoi? Si toi-même tu ne bouges pas, moi-même je ne bouge pas aussi. Il faut que toi-même tu ailles. Et ce qu'elle avait dit était vrai. Le serviteur est allé, il n'y a pas eu de résurrection de l'enfant. Il est revenu dire qu'il y a eu l'échec. Et il a fallu que Élisée lui-même arrive là. Et ça ne s'est pas fait du coup. Élisée n'est pas arrivé et puis dit, « Hey, enfant, lève-toi !» Non. Si vous lisez, il est dit que Élisée pria l'Éternel. Pourquoi? Parce que Élisée savait qu'il était un serviteur. Il était un instrument dans les mains de Dieu. Et il a prié, il a pris du temps. Ça ne s'est pas fait automatiquement. Il s'est même couché sur l'enfant. Et continuer à prier jusqu'à ce que l'enfant a encore reçu la vie en lui. Voilà ce que ces gens ont fait. Ils ont persévéré. Et à la fin, Dieu a encore rétabli ce qui semblait être perdu. L'enfant a retrouvé la vie. On a remis l'enfant à sa maman. Et je crois que Dieu a montré ici sa fidélité et sa puissance. En nous arrêtant sur l'année 2018, il y a eu des moments difficiles chez chacun de nous, n'est-ce pas? Il y a eu des moments où on s'est posé beaucoup de questions. Ou bien, Jacob, quand tu étais de l'autre côté, des moments sont arrivés où on s'est dit, ah, ça là, qu'est-ce qui même m'a mis? Cela ne t'est jamais arrivé? Ok. Mais, il a fallu faire encore un autre pas. Compter sur Dieu. Parce que c'est sur lui. Nous n'allons pas compter sur quelqu'un d'autre. Sur qui d'autre vous pouvez compter, sinon lui? Je pose la question, sur qui d'autre? Non, on ne peut pas compter sur quelqu'un d'autre. Moumouni a dit tout de suite que son collègue lui a demandé que ce qu'il avait comme puissance, là, son wak là, c'était quoi? Parce qu'il ne peut pas comprendre ça. Il ne peut pas comprendre cela. Comment est-ce que vous allez lui expliquer? Il a dit que c'est ce Jésus-là. Est-ce qu'il peut croire? Lui, il dit qu'il le connaît. Il connaît ce Jésus-là, mais bon, il ne le connaît pas comme celui qui fait ces choses-là. C'est la vérité. Il peut dire qu'il connaît Jésus, mais pas comme ce Jésus-là. J'ai déjà fait l'expérience avec un de mes directeurs à l'école. J'arrive devant la porte, là, je dis, Seigneur, lis-le au nom de Jésus. Et puis je rentre. Je dis, bon, je suis venu pour prendre ça. Il ne peut même pas parler. Il me donne, je prends. Vous avez dit que le pasteur là était... Je n'étais pas pasteur à ce moment. Hein? J'étais un professeur. Parce que je connais le type. Je sais qu'il est très violent et à tout moment, il refuse. Quand j'arrive devant la porte là, je dis, Seigneur, tu me connais. Tu sais ce dont j'ai besoin. Au nom de Jésus, lis Benjamin. Et puis, je tape la porte. Il dit, c'est qui? C'est moi. Je dis, c'est moi. Je rentre. C'est encore toi? Je dis, oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux là, je dis. Il dit, bon, prends. Je prends. Et puis quand je sors, je prends ma CT. Parce que je sais qu'après ça, il va se réveiller. Il sort. À ce moment, j'ai pris ma CT, je suis parti. Il dit, où est le type là? Il m'a encore eu. Un jour, il m'a appelé. Il dit, bon, je sais qu'au Nayala, les gens là ont des fétiches puissants. Est-ce que toi, tu n'as pas un fétiche? Parce que ce qui se fait chaque fois, je ne te fais pas confiance. Je dis, j'ai un fétiche. Oui, j'en ai un. Il dit que, je dis, hey, tu le connais? Il dit que c'est qui ça? Je dis, c'est Jésus. Puisque le monsieur avait fait jusqu'au grand séminaire, il devait sortir comme prêtre. Et puis, il s'est retiré. Après, il avait deux femmes. Je dis, tu le connais? Il dit que c'est qui? Je dis, c'est Jésus. Il dit que tu racontes des bobards. Je dis, non. Chaque fois, je te lis devant la porte ici au nom de Jésus. Et je rentre prendre ce que je veux. Je dis, parce que tu ne le connais pas. S'il le connaissait, est-ce qu'il allait quitter la soutane pour avoir deux femmes? Il ne connaît pas Jésus. J'ai déjà fait cette expérience-là. Si on le connaît, notre Seigneur, là, il a donné la puissance. Tu sais que le monsieur, il œuvre avec les ténèbres. Toi, tu le lis avec ces ténèbres et tu prends ce que tu veux et tu continues. Et c'est ça que je lui ai dit. Voilà, il l'appelle, il pense qu'il le loue, il pense qu'il le serve, mais ils ne le connaissent pas en réalité. Parce qu'on ne le dit pas réellement Et ils n'ont pas fait l'expérience de ce Jésus puissant-là. Ils ne l'ont pas fait. Donc, voyez, il faut persévérer, mes frères et mes sœurs. Nous allons, si moi je vous dis que 2019, là, vous n'aurez pas de soucis en sortant, vous allez dire que le pasteur n'a pas dit la vérité. Ou bien, Charles, c'est pas vrai? Ah, ils vont dire que le pasteur n'a pas dit la vérité. Et c'est vrai. Si je vous dis qu'en 2019, il n'y aura pas de soucis, j'ai menti. Il y aura des soucis. Il y aura des difficultés, il y aura des défis. Mais, voyez, il y a déjà la solution. De la même façon que pendant 2018, des moments sont arrivés où on a même décidé de gêner, de prier pour des choses. Et puis on a vu ce que Dieu a fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer dans la même lancée. Voyez ce que Jésus dit dans Jean au chapitre 15, le verset 7. Il y a un chant, souvent les gens chantent ce chant-là, qui me plaît beaucoup. Est-ce que quelqu'un connaît le chant basé sur ce verset-là? Jean 15, 7. Quelqu'un peut le lire pour nous? Jean 15, 7. Mm-hmm. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, mm-hmm. demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Quelqu'un connaît le chant là? Il y a un chant. Demeure en moi. Non. Demeure en moi, tu as coupé le mot. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voilà le chant. Ça, j'ai appris ce chant-là. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il y a deux conditions, non? Si vous demeurez en moi, qu'est-ce que ça veut dire demeurer en Jésus? Hein? Demeurer en Jésus. Je pose la question, ça veut dire quoi? Ou bien le verset là, si on le dit comme ça, vous le prenez comme ça et puis c'est fini? Si on vous dit de dire ça dans votre langue, ça risque d'être compliqué. Bon, Bruce dit, restez disciple de Jésus. On a dit demeurer. Ça veut dire quoi? Oui? Continuellement. Si on dit de demeurer, quelqu'un vient vous dire, bon, écoute, tu demeures ici, je reviens. Est-ce que vous allez sortir? Demeurer, ça veut dire, c'est quelque chose de continu. Il n'y a pas un moment où, si vous sortez, vous n'êtes plus dedans. Ou bien, donc, demeurer, être disciple de Jésus continuellement. Même si c'est chaud, vous êtes au marché, vous êtes dans la douche, vous êtes quelque part, tout ce que vous faites, c'est toujours disciple de Jésus. Voilà. Si vous demeurez en moi, c'est ce qu'il a dit. Ensuite, la deuxième condition est que ma parole demeure en vous. Vous avez compris? Si on dit qu'on est disciple de Jésus, ça veut dire que les paroles, sa parole est en nous. Et elle demeure aussi. Ça veut dire que c'est continuel. Dans tout ce que vous devez faire, vous devez être encore sous l'influence de cette parole-là, parce qu'elle est en vous. Dans vos paroles, dans vos actions, dans toutes vos relations, c'est ça. Hein? Le policier vous arrête et puis vous dit, bon, garde ta moto, vous avez garé. Il dit, vous n'avez pas fait, c'est un stop, non? Vous dites oui. Vous n'avez pas mis pied à terre même. Vous dites oui. Donc, vous ne vous êtes pas arrêté. Garez votre moto par là. Je n'ai pas discuté. Ça m'est arrivé. Le jeudi, je me suis arrêté et puis j'ai déposé. Et puis après, il m'a dit, vous avez tort, non? J'ai dit, vraiment parfaitement. J'ai parfaitement tort. Parce que moi, je suis arrivé, j'ai regardé, il n'y a personne qui venait par là. Bon, et puis je l'ai trouvé devant moi. Est-ce que je peux discuter? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il me dit, mais... J'ai dit, il n'y a pas d'autre chose. J'ai tort. Il dit, bon, vous pouvez partir. J'ai dit, vraiment, merci mon frère. Que Dieu te bénisse. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Je dois le remercier parce que, normalement, je devais... Les autres sont là-bas en train de discuter parce qu'on leur dit qu'on va amener leur moto, ils vont payer contravention et autres. Moi, Il m'a dit de m'arrêter, je me suis arrêté, j'ai reconnu mon tort et tout, après il m'a dit de prendre ma moto de parti. Je n'ai pas négocié, je n'ai pas mis ma main dans ma poche pour lui donner quelque chose. Non. Et j'ai dit merci. Merci, que Dieu te bénisse. Voilà. Je ne peux pas partir sans lui donner ma bénédiction. Demeurez, que la parole de Dieu demeure en vous. Je ne peux pas prendre et puis partir comme ça sans être reconnaissant. Non. Je ne peux pas faire ça. Donc, il dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, voilà l'implication. Demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Amen. C'est ce que nous devons nous rappeler pour l'année 2019. Demeurer en Jésus, cette parole demeure en nous. Nous allons demander ce que nous voulons, nous allons l'obtenir. Je voudrais que nous nous rappelions de cela. Nous ne pouvons pas demeurer en lui sans persévérance. Parce qu'il ne suffit pas de demeurer en lui quand on vient à l'église et puis après ça, on a enlevé l'habit déposé. Sa parole demeure en nous. Ce n'est pas qu'il y a des lieux où sa parole doit être en nous et des lieux où on doit se comporter comme autre chose et oublier la parole de Dieu. Non. Elle doit être continuelle, mes frères et mes sœurs. Et dans les difficultés à venir en 2019, c'est ce qu'il faut avoir comme attitude. Parce que Dieu nous a déjà montré comment nous devons nous en sortir. Il y aura des difficultés, mais demeurons attachés à lui. Laissons que sa parole demeure en nous et nous allons nous en sortir. Je vais vous demander de vous tenir debout, on va prier ensemble. Si nous mettons à la place de cette tsunamite, quelle a été sa joie? Toute la douleur qu'elle a eue, la fatigue d'avoir fait 40 km, tout ça, c'est parti parce que voilà, son fils était entre ses mains. Elle pouvait être très réjouie. Nous aussi, nous avons besoin, en cette année 2019 qui va commencer, nous aurons besoin à tout moment d'affronter ces défis, de surmonter ces difficultés. Mais nous ne pouvons pas le faire si nous ne nous tenons pas, nous ne faisons pas comme ce que ce verset nous dit. Nous allons ensemble prier pour nous-mêmes. Demander à Dieu de nous donner la sagesse et surtout la persévérance. Parce que si nous ne persévérons pas, nous sommes perdants. Prions chacun pour lui-même. Père, nous voulons te dire merci, te bénissons, nous te louons, nous te rendons toute la gloire. Ô Seigneur, que toute l'honneur te revienne. Oui, Père, comme cet exemple que nous avons vu, éternel Dieu, à travers la persévérance de ces gens, que ce soit cette tsunamite, que ce soit Géasi, le serviteur, et Élisée le maître, Père, tous ont persévéré et tu as rétabli la situation. Père de bonté, de fidélité, nous savons que, Père, 2018, tu as été avec nous, tu nous as soutenus. Nous savons que 2019 aussi vient avec son lot de défis, de difficultés, d'obstacles. Père, je voudrais te demander, au nom de Jésus, de nous aider à pouvoir surmonter ces obstacles-là. Je te supplie, Seigneur, de nous aider à pouvoir, éternel Dieu, oui, aller de l'avant et ne jamais nous décourager. Père, persévérer, continuer, afin que, Seigneur, oui, nous puissions être victorieux. Merci de ce que tu vas répondre. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour et merci pour ta fidélité. Te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir et que le Seigneur nous bénisse tous.